Qui je suis ? Un inconnu plus que quelconque, que l'on croise dans les quartiers de la capitale, qui s'enquiert de squatter la banquette d'un café, crayon et cahier sur table, un club au bec, accompagné de musique sur les oreilles, qui écrit ce que son regard capture. Un inconnu qui fait lire et entendre ses écrits, à qui veut bien les parcourir.